Chez Dolbeau Auto, l'automne est arrivé et nous payons les trois premiers mois de location sur le GMC Sierra 2017 ou encore venez voir l'Equinox 2017 à 22 995 Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini, au téléphone 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto désirent vous rappeler qu'acheter localement préserve notre économie. C'est la chronique des Saguenay-Lac-Chrétien avec notre ami Sébastien Morin. On fait le bilan des trois matchs de la semaine. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, on va parler d'abord des... il y avait trois matchs. Jeudi, c'était contre l'Océanique à Derimouski. Et ça s'est soldé par une victoire de 5-2 cette fois. Exactement. Les Sags qui ont eu de la veine du côté de l'attaque dans ce match contre l'Océanique de Rimouski ont dominé et les Rimouskois ont bien joué sur plusieurs facettes. Ça a été une exécution presque sans faille, je dirais, pour la troupe de Yannick Jean dans le match de jeudi soir dernier contre l'Océanique de Rimouski. On a vu les meilleurs être les meilleurs, puis les Sags ont besoin de leurs meilleurs pour être dans les bonnes équipes de la LHJMQ et confronter à peu près n'importe qui dans cette ligue-là. Nicolas Roy était excellent, Xavier Potvin était très bon, donne une chance de gagner soir après soir depuis le début de la saison, depuis après le premier match de la saison pour Yannick Jean. Puis ça, c'est bien intéressant, puis ça s'est poursuivi un peu moins vendredi du côté de Baie-Comeau, mais hier, ça a été une belle journée au Centre Georges Vézina. OK, et maintenant, dans le match de vendredi, c'était... Évidemment, il y avait un programme double contre le Scénic, pas le Scénic, mais les Drakkars de Baie-Comeau, et ça a été par Blanchard cette fois 4-0. Oui, on va dire une équipe qui connaissait une mauvaise journée au bureau contre une équipe qui connaissait une excellente journée au bureau. Ça a donné le triste spectacle de vendredi soir dernier au Centre Henry Leonard. Les Sags se sont pas beaucoup présentés, je dirais. À Baie-Comeau, c'était un peu plate de voir le spectacle. C'était pas les Saguenay de Chicoutimi qu'on voyait sur la patinoire, littéralement. C'était différent. Écoute, ça arrive, comme je disais, une mauvaise journée au bureau à n'importe qui. Oui. L'important, c'est de se relever de ça et d'apprendre de ses erreurs aussi. Peut-être que les Sags sont allés à Baie-Comeau en les prenant à la légère, avaient connu une bonne séquence à la maison, 4 victoires en 5, puis des bonnes performances contre des clubs de pointe dans la LHJMQ. On affronte une équipe qui est négligée cette année, le Drakkars de Baie-Comeau, mais qui a une identité maintenant, travaille excessivement fort pour aller chercher les rondelles dans les coins de patinoire et physiquement, puis ça patine. Ça sera pas une équipe de premier plan cette saison, mais c'est une équipe qui va être dure à jouer contre toute l'année. Les Sags ont levé la tête vendredi soir à Baie-Comeau, ça a donné le résultat qu'on a connu. Une défaite de 4-0 contre le Drakkars. C'était vraiment pas le fun vendredi soir du côté de Baie-Comeau. Le chemin du retour a été plutôt tranquille, je dirais, dans le nouvel autobus des Saguenay. Ben, effectivement, nouvelle. Et hier, ça s'est soldé, là, c'était le deuxième match à 16h hier soir. Et là, ça a été une belle victoire de 7-3, menée par l'excellent, je dis bien l'excellent Nicolas Roy. 2 buts, 2 passes hier. Oui, en première période, il a terminé ça avec 1 but, 2 passes. Le grand Nick a été le meilleur joueur sur la patinoire des deux équipes, là, puis même pas proche avec la compétition, je dirais. Il est très bon, et hier, il connaissait une journée formidable. C'est le fun de voir qu'après la performance, justement, de vendredi, la contre-performance, les Sags ont été capables de se relever 2 jours plus tard, oublier cette mauvaise journée-là, puis d'en connaître une excellente. Ils ont été très forts du côté des batailles 1 contre 1, physiquement sur la patinoire, les mises en jeu. Point par point, je pense que les Sags ont été beaucoup meilleurs que le Drakkars de Baie-Comeau hier. Peut-être un peu moins en troisième période, on a peut-être senti un petit relâchement. Les Sags ont beaucoup de hockey dans les jambes depuis les dernières semaines. Puis on s'en va du côté des Maritimes, ça ira pas s'améliorant là, pour les jambes. Ça va être une grosse semaine qui s'en vient après la grosse semaine qu'ils ont eue. 2, 3, 4 de suite, puis là le prochain sur la route. Mais quand même, on peut dire mission accomplie. T'sais, dans une semaine, tu remportes 2 matchs sur 3. Je pense qu'on peut être très satisfait. Puis de chasser une mauvaise performance par une excellente, ben ça démontre le caractère des Saguenay Chicoutimi. OK. Il y a des nouvelles maintenant entourant les Saguenay. Hier, dans cette victoire-là, mauvaise nouvelle, on a perdu les services de Louis-Philippe Simard de Mastouillache. Dans le cas de Louis-Philippe Simard, quoi ce matin? C'est au jour le jour, quoi? Écoute, j'ai pas de diagnostic complet après la mise en échec par derrière qu'il a reçue hier dans le match. C'était un geste très dangereux d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que le préfet de discipline de la LHJMQ va faire contre le joueur du Drakkars, dont j'oublie le nom ce matin, tu me permettras l'erreur. Ouais. Pour Louis-Philippe Simard, on va espérer un prompt rétablissement. LP donne un fier coup de main à la brigade défensive des Sags depuis les deux dernières saisons. Et depuis cette année, joue avec Fred Allard, joue avec Julien Carignan, joue avec les plus jeunes aussi. Il fait du bon boulot là pour les Saguenay de Chicoutimi. C'est une absence qui pourrait apparaître si elle s'éternise. Bon, on pense qu'il a peut-être des blessures au haut du corps, là, on se cachera pas. Peut-être une fracture du nez, peut-être autre chose. Là. Il y avait des radiographies qui allaient être passées hier. On aura probablement un diagnostic au cours des prochains jours. Ça pourrait prendre quelques jours, voire quelques semaines dans le cas de Louis-Philippe Simard, avant de le voir de retour sur la patinoire avec les Sags. On va lui souhaiter un prompt rétablissement, puis de peut-être se satisfaire de manger du mou pour les prochaines semaines. Mais c'était pas... Danny, je suis proche de l'équipe, je voyage avec eux, je suis attaché au Saguenay de Chicoutimi. Ça fait deux fois cette saison que je vois des joueurs blessés quand même gravement. Antoine Marco au début de l'année. Oui. Comment il va, lui? Lui, il va très bien. Il a joué trois bons matchs en fin de semaine. Le Antoine Marco que l'on connaît. C'est pas inscrit sur la feuille de pointage, mais Antoine Marco, c'est les petits détails qu'il fait sur la patinoire qui le rendent important dans l'alignement des Sags, puis il l'a très bien fait. Et pour revenir à Louis-Philippe Simard, ça va prendre un quelques semaines peut-être. Je sais pas, je suis pas docteur, mais on va avoir le diagnostic au cours des prochains jours. Il va avoir mal à sa face, je dirais, pour les prochaines semaines. Le pauvre Louis-Philippe Simard, mais qui va s'en remettre, puis qui va revenir plus fort, j'imagine, avec les Saguenay dans quelques jours, quelques semaines. OK. Dis-moi, Yannick Jean s'en va au défi mondial pour... Il est rendu pour parler, évidemment, pour parler du dossier du joueur russe. C'est pour faire avancer un petit peu peut-être les nouvelles là-dessus, hein? Écoute, je pense que c'est un prétexte. Le défi mondial des moins de 17 ans, c'est un excellent tournoi de recrutement pour le cycle, je dirais, des joueurs de 16 ans qui vont se faire repêcher les Euros et venir dans la LHJMQ. C'est la plaque tournante, c'est là qu'on découvre les talents ou pas. On les voit avec les meilleurs du même âge. Souvent, c'est plus facile à évaluer de ce côté-là. Yannick Jean est là-bas tout d'abord pour épier les petits Russes, les petits Finlandais, les petits Suédois, les petits Tchèques. Peut-être les petits Américains, mais ils viennent pas aux autres. Donc, ça va être moins de ce côté-là. Puis aussi Samuel Hood qui joue avec Rodrigue aussi pour une des trois équipes canadiennes dans le défi mondial des moins de 17 ans. Par le fait même, l'agent de German Wupsoff sera présent parce qu'il représente des joueurs de l'équipe russe, cet agent-là. Donc, il sera présent du côté de Sault Ste. Marie où se déroule le défi mondial des moins de 17 ans. Donc, Yannick a un dîner de prévu. Lui, le dépisteur-chef des Sags, Dan Demers, et l'agent de German Wupsoff pour discuter de où est-ce qu'en est rendu ce dossier très complexe d'amener ce russe, ce super russe, je dirais, dans la LHJMQ, terminer sa carrière junior avant de passer chez les pros dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que son temps de jeu s'est amélioré, ce que vous en avez parlé? Avec German Wupsoff? Ouais. Il joue plus dans la KHL, la NHL. OK, qui est la filiale, qui est un peu la Ligue américaine de la KHL. Non? La NHL, c'est comme la Ligue de hockey junior majeur du sport. OK. C'est de 17 à 21 okay. ans. Mais souvent, là-bas, comment ça fonctionne, c'est que, mettons, le Canadien serait attaché avec l'Armada de Blainville et un club de la Ligue américaine. Donc, on envoie nos joueurs en développement dans la Ligue 2 puis la Ligue 3, mettons, et la MHL serait la Ligue 3 dans la hiérarchie du côté des Russes. Donc, il joue dans le calibre junior, l'équivalent de la LHJMQ, mais du côté des Russes. Connaît des bons matchs, connaît des matchs de 2-3 points régulièrement. Quand il arrive en KHL, on voit peut-être que la marche est peut-être autre entre le stage junior et les pros. Ça patine là, du côté des Russes, ça joue rapide aussi. Son temps de jeu a beaucoup diminué en KHL, joue presque plus là-bas. Maintenant, étant en MHL, qui est un circuit inférieur, avait dit que s'il jouait pas dans la KHL la saison, il allait venir en Amérique du Nord. Donc, on va voir ce qui va se passer au cours des prochains jours. Ce serait un ajout de marque à la belle, au bel alignement des Saguenayens cette saison. Et pas de doute, les Flyers et les filles ont un mot à dire là-dedans aussi. Là. Eux souhaiteraient beaucoup qu'ils s'en viennent dans la LHJMQ, là. Exactement, mais c'est complexe, hein. Les Russes, ça a toujours été très complexe du côté de la fédération. Libérer les joueurs, il y a de l'argent impliqué là-dedans. Les Sags peuvent pas s'en mêler de ce côté-là avec les nouveaux règlements de la Ligue canadienne de hockey. C'est des agents avec probablement des avocats à un moment donné qui vont finir le dossier si le dossier se termine. Et peut-être que à la visite de l'équipe russe lors du défi Canada-Russie, le 15 novembre au Centre Georges Vézina, ben il sera tellement applaudi et apprécié par les partisans des Sacs qu'il va désirer rester avec les Saguenayens la semaine suivante. parce qu'il va être dans l'uniforme aussi. Faut pas exactement, oublier. Ça va être une belle occasion de le voir avec les Russes là, contre l'équipe de la JMQ le 15 novembre prochain. Ben Sébastien, on s'en parle lundi prochain. Avec plaisir. Lundi, ça va être complexe. On va être de retour du côté des Maritimes, exactement. Merci. Merci. Donc, Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens.